Patron, quelle est cette race d'animal ? C'est un chinchilla, mon enfant. Et c'est dangereux comme bête ? Seulement dans ses dernières heures de vie, il dégage une odeur fétide et un liquide putride par le cul. Mais dans la salle à manger, il règne une drôle d'odeur. Elle provient de la cage de mon petit rongeur. Je regarde attentivement et ne comprends pas vraiment. Il ne bouge plus du tout, je ne suis pourtant pas fou. Hier soir encore, il sautait dans tous les sens. Et maintenant, il a l'air un tout petit peu mort. Alors que dans sa cage il y aurait carnage. Il est collé à la planche par les boyades, c'est dégueulasse. La pauvre petite bête a dû soupir le martyr. Moi quand j'ai vu ces images, ça m'a donné envie de vomir. Négligence de ma part, je lui donnais trop à manger. Dans une occlusion, il a bien failli éclater. C'est vers sa colle, ça pue.